Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Margot, aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous allons parler d'amour. Nous avons besoin d'amour en ce moment. Une grande respiration qui nous conduit aujourd'hui dans la Grèce antique. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Et si l'amour antique nous permettait de mieux comprendre la manière dont nous nous aimons aujourd'hui ? Oui, mais quel amour ? L'amour socratique ou l'amour saphique, l'amour platonicien ou l'amour anacréontique ? Ah oui, nous l'aimons bien, Anacréon, le chantre de l'amour à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, au début du 5e siècle. Car dans cet amour antique, il y a des couples merveilleux, Périclès et Aspasie, Achille et Patrocle, Hector et Andromaque, tant d'autres, Omphale et Héraclès. Cupidon, toujours prêt à dégainer son arc, s'en fout parfois, nous chantait Brassens, Cupidon et Romain. Mais qu'en est-il d'Héros, peu ou prou, son équivalent grec ? Oui, il semble bien qu'Héros ait plus d'une flèche à son arc. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire du sentiment amoureux. Ouh là là, vaste programme, troubadour et trouvère, les chants de l'amour courtois, les liaisons dangereuses de Marie-Antoinette ou encore le romantisme entre amour et convention, des émissions à écouter, à podcaster pour la balado-diffusion sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, amour antique. Amour antique avec Aphrodite, Héros et Apollon, de l'amour dans l'Antiquité. Pour nous en parler, Jean-Claude Bologne, bonjour. Bonjour. Vous êtes philologue, médiéviste, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages autour de ce sentiment complexe sur l'amour, la conquête amoureuse de l'Antiquité à nos jours, notamment publié au Seuil, ou encore une histoire du couple. Jean-Claude Bologne, quelle drôle d'idée de s'attaquer à un objet historique aussi complexe. Pour connaître le sentiment, il faut des traces, mais quelles traces laisse l'amour ? Il faut de l'écrit, en fait, obligatoirement. Ah, il faut de l'écrit de toute manière, oui. De l'écrit, on peut aussi se fonder sur l'iconographie, mais c'est pas extrêmement précis sur le sentiment amoureux. Alors, effectivement, quand on parle de Grèce, on pense aux philosophes, on pense à la mythologie, mais il y a aussi de l'histoire, des traces historiques. Sur le sentiment amoureux, sur ses conditions, on ne peut pas se fonder sur des récits de première main, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de journaux intimes, mais les plaidoyers de Démosthène ou d'Isée, qui parlent beaucoup d'héritage, et que lorsqu'il y a des héritages, ça veut dire qu'il faut que la mère soit légitime. Or, l'amour se moque pas mal de la légitimité. Donc, il y a des choses à trouver là-dedans. Et il y a des choses à trouver aussi dans les contrats de mariage. On a retrouvé des contrats de mariage du 4e siècle, 4e, 3e siècle avant notre ère, et notamment dans les pays conquis par les Grecs, où il y a des soldats exilés en Égypte, en Syrie. Pourquoi ? Parce que un mariage repose sur des témoins. Or, des témoins, lorsque vous êtes à des centaines de kilomètres de chez vous, il n'y en a pas beaucoup, et on ne sait pas s'ils seront toujours là 20 ans après, quand il y aura contestation. Et donc là, il y a des contrats qui ont été rédigés, et dans les précautions que les jeunes femmes prennent, il y a beaucoup à apprendre sur les sentiments qui animent les personnages. Est-ce que on autorise un mari à avoir une maîtresse, une concubine, voire des gitons? Si on interdit d'avoir des concubines, ça veut dire que on craint pour l'héritage de ses enfants. Si on interdit d'avoir des gitons, il n'y a pas de crainte sur l'héritage. Donc à partir de toutes petites traces comme cela, on peut trouver la... voir un peu vivre des Grecs qui ne sont pas nécessairement Périclès, Aspasie ou des exemples mythologiques. Et c'est tout ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à compulser pendant une trentaine d'années. Oui. Oui, et puis un plaisir aussi de vous lire, Jean-Claude Bologne, autour de ce sentiment amoureux dans l'Antiquité. Pour aller aux sources de l'amour, ben justement avec nous aussi, Véronique Dazen, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en archéologie classique à l'université de Fribourg, c'est en Suisse. Véronique Dazen, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le sourire d'Omphale, maternité, petite enfance dans l'Antiquité » ou encore « De famille et société dans le monde grec et en Italie du 5e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ ». Et vous, justement, aux sources de l'amour, quelles sont vos sources ? Alors mes sources, elles sont en partie iconographiques, ou plus largement, je dirais que c'est une analyse du discours métaphorique qui peut se déployer aussi bien dans les textes, dans les images, et voire même dans les objets. Et ces sources sont fascinantes parce qu'elles nous permettent de comprendre une façon de penser les émotions de manière plus large, notamment le sentiment amoureux. Et en découvrant ainsi tout ce qui fait la différence aussi entre notre façon de le penser et la façon des anciens de le penser. Dans ce sens-là, le sentiment amoureux a une histoire. Et alors parmi ces sources... Enfin, on va en parler dans une minute, sans doute. Il y a bien sûr des textes qui sont un peu alternatifs, hein. Des textes et des documents qui sont alternatifs, comme les gemmes magiques et tout cet univers de la magie qui va chercher à séduire, contraindre, donc penser l'amour comme une contrainte, comme un tourment. Et puis, il y a les images. Et les images, c'est une exploration en cours dans le cadre d'un grand projet européen qui s'appelle Locus Ludi sur le jeu comme un opérateur de la société, comme mettant en scène dans les images l'agentivité des jeunes filles et des garçons en âge de se marier. Et là, on a pu réaliser toutes sortes de découvertes, voir comment dans la mise en image de filles qui jonglent, de filles qui jouent à la toupie, de filles qui jouent à la balançoire, on va montrer une perception du sentiment amoureux, à la fois comme une prise de risque, à la fois imprévisible, mais en même temps en mettant en scène des filles actives. Hein. Et donc ça renverse le discours des textes. Donc c'est un peu cette démarche-là qui m'intéresse, c'est de regarder du côté des images, des objets qui véhiculent des images, une autre façon d'accéder à une intimité des émotions. Nous avons aujourd'hui tellement de mal à définir le sentiment amoureux, alors qu'en est-il dans la Grèce antique ? Eh bien écoutez, allons aux sources. Écoutons Anacreon, donc auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, son éloge de la rose qui est lu par Pierre Bertin. C'était dans l'émission radiodiffusée Poèmes de tous les temps en 1958. Avec le printemps porteur de couronne, j'aime à chanter la rose tendre, ma compagne. Elle est la laine des dieux, elle est la joie des mortels, la parure des grâces à la saison des amours fleuries, le jouet d'Aphrodite. Elle est le souci des poètes et la fleur choisie des muses. Il est doux de l'accueillir dans les buissons épineux, il est doux de la respirer. Et en la prenant d'une main délicate, d'aspirer le parfum de la fleur de l'amour. Ah, la rose fleur de l'amour par Anacreon, 5e siècle avant Jésus-Christ, Jean-Claude Bologne. Avec Anacreon, par exemple, nous avons une forme d'amour, mais il n'est pas possible de définir l'amour antique au sens où l'amour peut prendre plein de voies différentes. Oui, bien sûr. Anacreon, c'est effectivement relativement ancien, 6e, 5e siècle avant notre ère, donc bien avant l'Athènes classique. Il n'est pas athénien, mais il va introduire à Athènes une conception de l'amour qui est plutôt ionienne, des îles plus orientales. Et il sera critiqué pour cela. Et surtout, Anacreon, on le connaît par ce qu'on appelle la poésie anacréontique, qui est dans la ligne d'Anacreon, mais qui va beaucoup plus loin dans les miniardises, des images un peu cucu, et qui est beaucoup plus tardive. Donc il faut se méfier quand on parle d'Anacreon d'amour anacréontique, ce n'est pas toujours d'Anacreon qu'on parle, mais souvent de ses suiveurs. Et effectivement, lorsqu'on parle d'amour dans l'Antiquité, ça veut dire que on doit se fier à des concepts qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Il y a beaucoup de termes en grec, comme en français d'ailleurs, pour désigner l'amour. On parle d'amour, d'affection, de tendresse, de bienveillance. Et le problème, c'est que les champs sémantiques ne se recouvrent pas. Les deux principaux mots que l'on a à disposition, eros et philia, désignent des concepts qui ne sont pas exactement les mêmes que dans le français moderne. Alors, l'éros, c'est disons l'amour sensuel, pour le dire un peu de façon un peu caricaturale, passionné. C'est l'analyse de l'éros, on a tout de suite en tête le banquet de Platon, et c'est Socrate qui définit l'éros comme un manque. On désire ce que l'on n'a pas, et ce que l'on n'a pas quand on est un homme, c'est la beauté, c'est-à-dire la beauté idéale absolue. Et donc l'amour est un désir de beauté. Mais le problème, c'est que si on a la beauté, si on a épousé une très belle femme, est-ce qu'on peut encore l'aimer? Et ça, c'est un problème qui va traverser toute l'histoire de l'amour. Est-ce que le mariage est le tombeau de l'amour? Est-ce qu'on peut toujours désirer ce que l'on a? Et du coup, il y a cette autre idée qui est extrêmement importante dans le banquet de Platon, le discours de Socrate, Diotime. Il faut perpétuer l'amour. Il faut perpétuer ce que l'on a et donc engendrer dans ce qui nous manque, engendrer dans la beauté. Et d'où le double sens, et qui là aussi va être constant dans l'histoire du sentiment amoureux. On engendre dans la beauté du corps, donc de la femme, on a un enfant, ou on engendre dans la beauté de l'esprit, dans l'esprit des jeunes gens, on engendre des idées, et on a ce qu'on a appelé l'amour socratique, donc non pas de la pédophilie, mais de la pédagogie. Et si Socrate s'est défini comme un accoucheur, la fameuse maïeutique, c'est parce qu'il accouche les esprits comme la sage-femme accouche les corps. Donc, lorsqu'on parle d'Eros, on parle déjà du dieu d'origine, qui est une force cosmique qui va réunir les êtres et les choses, et on parle aussi de l'amour socratique qui est beaucoup plus intellectualisé. Comme quand on parle de philia, on parle d'Aristote. Je dirais que c'est peut-être les deux principales idées à retenir, le désir de ce qui nous manque chez Socrate et chez Aristote, la philia, se greffe non pas sur soi-même, mais sur autrui. C'est le fait de vouloir du bien à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime. Et là, il y a une toute autre définition de l'amour. C'est entre ces deux définitions que toute la Grèce va fonctionner. Et Véronique Danzen, dans ces problèmes de définition, ou qui ne sont pas des problèmes en fait, c'est juste une adaptation du vocabulaire pour essayer de comprendre le sentiment amoureux dans la Grèce antique, il y a aussi tout l'aspect social qui doit être mis en place pour comprendre comment se construit l'amour. Cette figure allégorique d'Eros, comme l'a bien évoqué Jean-Claude Bologne, il y a aussi toute la dimension de l'enfant qui est Eros. Et cet Eros est un enfant qui est associé aussi à la manipulation, à la tricherie. Eros est parfois décrit comme cruel, et l'image même de son jeu imprévisible y renvoie. Et donc on a cette image d'un amour qui peut être aussi un trouble, un tourment, voire une maladie. Pourquoi ? Parce que les mariages sont des mariages obligés, les mariages sont arrangés. Le mariage d'amour en tant que tel est rare, voire n'existe pas. Et c'est là où toutes les sources qui sont relatives à la magie sont extrêmement intéressantes, parce qu'elles constituent autant de fusibles pour pallier à cette situation. Quel meilleur moyen pour un jeune couple, de jeunes amants, que de dire que l'un a ensorcelé l'autre et que ce n'était pas du tout un adultère voulu, ou c'était une transgression volontaire, mais que c'est en somme une force supérieure qui a induit cette relation, c'est une relation sexuelle, par exemple, hors mariage. Et on sait qu'il y a eu des fusibles de ce genre-là, comme ceux des filtres magiques, mais qui, dans l'imaginaire des gens, sont un moyen de contourner, de gérer les contraintes sociales. Et parmi les contraintes sociales, la principale dans cette question de l'amour est le mariage. Enfin, je ne sais pas si le mariage est une contrainte, enfin, quoique. Écoutez, nous allons entendre un extrait d'Andromaque, lu par Tatiana Werner. Andromaque, donc héroïne de la guerre de Troie, personnage essentiel au sens où elle est la femme d'Hector et, dans le même temps, le modèle de l'épouse fidèle. Pour moi, cher Hector, si Vénus t'inspirait quelques faiblesses, j'aimerais à cause de toi celle qui en était l'objet. Et plus d'une fois pour ne pas te déplaire, j'ai présenté le sein à des enfants dont je n'étais pas la mère. C'est ainsi que par ma vertu je gagnais le cœur de mon époux. Mais toi, dans ton humeur jalouse, tu ne souffres même pas qu'une goutte de la rosée céleste s'attache à ton époux. Si ta mère aimait trop les hommes, ne cherche point femme à la surpasser. Les enfants nés de mères vicieuses doivent s'abstenir de les imiter, pour peu que la raison les inspire. Tatiana Werner qui se plonge dans l'Iliade et qui nous présente Andromaque, donc figure de l'épouse fidèle. C'est presque une des épouses modèles dans la Grèce antique. Véronique Dazen, comment se construit cette relation entre le mariage et l'amour? L'amour et le mariage sont-ils associés dans la Grèce antique comme nous l'associons aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que se créent tous ces artifices, toutes ces stratégies, hein, pour gérer ces difficultés. Dans le discours d'Andromaque, ce qui est très beau, c'est qu'elle évoque le fait qu'elle donne le sein aux enfants qui sont nés d'une autre mère. Et ça renvoie à une autre réalité, c'est que dans cette concorde, c'est ce qu'on cherche à obtenir dans le mariage, c'est la concorde, c'est une paix entre les époux, il y a la construction d'une parenté nourricière. Et par le fait même d'allaiter les enfants qui sont nés d'une autre femme, elle témoigne de cette volonté de concorde entre elle et son époux. Et ça, c'est le lien essentiel, hein, entre sentiment amoureux, union conjugale, Jean-Claude Bologne. L'Antiquité détache le sentiment amoureux de l'union conjugale. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place dont nous sommes plus ou moins encore les héritiers. Oui, et avant de vous répondre, une toute petite précision. L'extrait qui nous a été lu, ce n'est pas un extrait de l'Iliade, c'est un extrait de l'Andromaque de Ripide, où là nous ne sommes plus dans l'Ionie 7e, 8e, 9e siècle, on ne sait pas très bien pour l'Iliade, on est à Athènes au 5e siècle, et la conception de l'amour est totalement différente. Je ne peux pas vous dire que dans l'Iliade, Andromaque était amoureuse d'Hector, et elle n'aurait certainement pas donner le sein à ses enfants. Je veux dire une brève comparaison entre les deux. Lorsque on voit apparaître Andromaque dans l'Iliade, Hector rentre chez lui après la bataille et ne trouve pas sa femme chez lui. Il demande à ses servantes, mais vous ne savez pas où est Andromaque? Ah si, elle est sur la plus haute tour pour regarder la bataille. Ça n'effraie absolument pas Hector de ne pas trouver Andromaque chez lui. Chez Euripide, en revanche, la première vertu de la femme, c'est de rester chez elle. Au point de ne même pas désirer sortir. Je m'interdis même de le désir de sortir, dit Andromaque. Donc là, on est dans deux univers qui sont totalement différents. Toutes les colonies autour de la Turquie actuelle ou de la côte turque actuelle, où la femme a un tout petit peu plus de liberté, et Athènes, où la femme est dans son gynécée. Et bien entendu, le sentiment amoureux ne peut pas être du tout le même dans un cas ou dans l'autre. Et ce que craignent les Athéniens au 5e siècle, à l'époque de Périclès, de Sophocle, de Ripide, c'est de voir apparaître des revendications féminines qui permettraient à la femme de sortir de chez elle et de participer au banquet comme n'importe quelle courtisane. Donc lorsque l'on parle d'amour dans le mariage dans l'Antiquité grecque, il faut bien distinguer les cas, et dans l'Athènes du 5e siècle, c'est la hantise, je dirais, de voir la femme prendre des droits auxquels elle n'a pas accès. L'homme grec peut avoir à sa disposition une épouse, bien entendu, là c'est la légitimité des enfants, c'est une épouse qui doit descendre d'une famille de citoyens, mais il peut aussi, lors de banquets, avoir accès à des courtisanes, ou des courtisanes de haut vol, des étahires, et il peut avoir en plus, éventuellement, une concubine avec une relation plus stable, qui est dans son foyer, tandis que la femme est dans son gynécée. Donc il y a des sentiments extrêmement différents que l'on ne peut pas qualifier nécessairement d'amour au sens actuel du terme. Et encore une fois, la façon dont les philosophes en parlent, par exemple Socrate a été marié et même bigame, avec une épouse, paraît-il, acariâtre. Platon était célibataire. Il ne faut pas leur demander de grandes analyses de l'amour conjugal. Aristote était marié et apparemment heureux en ménage. Donc il y a tout ça qui entre en compte dans l'analyse du sentiment amoureux, mais d'une manière générale, le mariage, ce n'est pas fait pour l'amour, c'est fait pour les héritiers et donc pour la légitimité des héritiers. complexité d'approcher le sentiment amoureux dans la Grèce antique et aujourd'hui encore, au sens où la définition peut varier selon le temps, selon les lieux évidemment, et puis selon les personnes. Véronique Dazen, ce lien entre l'homme et la femme au sein du mariage est quelque chose qui est essentiel, mais pour la reproduction, nous disait Jean-Claude Bologne. L'amour est-il envisageable pour les hommes et pour les femmes dans la Grèce antique? Oui, bien sûr. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Claude Bologne, qui était très important. On connaît cette petite phrase hein, qui nous dit que les femmes, les courtisanes, nous les avons pour le plaisir, hein, les concubines pour les soins de tous les jours et les épouses pour avoir une descendance légitime. Je crois que tout est dit là. On a vraiment trois catégories de femmes que l'homme côtoie et qui ont différents servent différents objectifs. Mais ça, c'est les textes qui nous en parlent. Et en fait, dans mon exploration des images, j'ai découvert d'autres facettes de ce rapport entre hommes et femmes, comme le monde, par exemple, le mythe d'Héraclès et Omphale, tel qu'il s'exprime sur des supports peut-être moins connus, comme les intailles magiques. Eh bien justement, nous allons écouter ce que disait Ovide. Alors là, c'est beaucoup plus tard, hein, sur Omphale et Héraclès. Ce sont deux personnages essentiels qui vont nous servir d'appui. Il faut bien des couples pour parler d'amour. Une lecture par Tatiana Werner. Tandis que les esclaves préparent les mets et les vins, Omphale revêt Hercule de ses propres parures. Elle lui donne sa fine tunique, teinte de pourpre. Elle lui donne l'élégante ceinture qui tout à l'heure entourait sa taille. La ceinture est trop petite pour son ventre, et il donne du jeu à la tunique pour frayer un passage à ses grosses mains. Il a fait éclater les bracelets qui n'étaient pas faits pour de pareils bras, tandis que ses grands pieds crevaient les chaussures trop petites. Omphale s'empare de la lourde massue, de la dépouille du lion et des armes plus petites que contenait le carquois. C'est dans cette tenue qu'ils prennent leur repas, dans cette tenue qu'ils s'abandonnent au sommeil. Omphale qui se pare des attributs d'Héraclès chez Ovide. Véronique Dazen, en quoi ce couple est essentiel? Parce que il ne montre pas la norme, bien au contraire, mais il est intéressant parce qu'il est reproduit sans cesse durant l'Antiquité. Oui, et peut-être pas vraiment sans cesse. Il est surtout très à la mode à l'époque romaine, et ce n'est peut-être pas un hasard puisque cela coïncide avec une transformation du statut de la femme politique et dans la famille aussi. Alors c'est un couple qui va mettre en scène une façon de penser le féminin et le masculin avec des rôles qui se renversent, et ça c'est extraordinaire. Donc Omphale, on le sait par le mythe, est à la fois une reine, la reine de Lydie. Elle achète Héraclès qui est esclave parce qu'il a commis des crimes pour qu'il accomplisse sa peine chez elle. Elle tombe amoureuse de lui, alors qu'on a la femme hyper féminine et l'homme hyper masculin. Et elle devient mère d'un enfant d'Héraclès, qui lui-même est père de nombreux enfants. Elle le libère, évidemment, et donc elle devient sa compagne. Et donc elle passe de ce statut de reine, mère, séductrice, et en même temps magicienne, telle que le montrent les intailles magiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans ce renversement de l'homme hyper masculin qui devient si proche du ventre des femmes, étant justement générateur de nombreux enfants, qu'il peut se féminiser, et elle devenant forte comme lui. Donc il y a une image de parité, une image de plus que de renversement, mais vraiment d'une forme d'équilibre, mais qui est différent bien sûr d'une autre. Oui, puis avec une reprise de cette image, vous le disiez, Véronique Dazen, durant l'Antiquité, principalement romaine, où des femmes sont représentées avec des massues sur des éléments de décoration qui nous permettent de voir comment il y a un clin d'œil sans cesse à ce, alors j'allais dire oui, si, ce mythe d'Omphale et d'Héraclès. Oui, parce qu'en s'appropriant cette massue, elle témoigne par là de sa force, de son pouvoir. Mais un pouvoir qui n'est jamais formulé tel quel dans les textes. Les textes, au contraire, nous transmettent une image victimisée des femmes. La femme dominée par son ventre, par son utérus, par l'hystérie. C'est un grand topos. Et les images nous montrent autre chose. Héraclès, par exemple, Omphale, sous les intailles magiques, non seulement renverse les rôles, mais on voit très bien Omphale avec sa massue contre contrôlant le mâle, contrôlant un incube qui veut venir la faire avorter, puisqu'il est sous la forme d'un âne. Et ensuite, quand on retrouve ces éléments, comme la massue aux oreilles d'une femme, comme boucle d'oreille, on se dit qu'elles sont là pour témoigner de cette façon de penser une femme qui contrôle son corps, qui n'est pas dominée par ce corps. Il faut savoir qu'il y a un jeu de mots, hein. Skutale en grec veut dire à la fois la massue et le sexe masculin. Donc en s'appropriant cette massue, elle s'approprie aussi cette force virile. La force virile de la femme dans l'Antiquité grecque et romaine, et aujourd'hui encore, Pénélope, est-elle l'épouse modèle? Est-elle le grillon du foyer dans la Grèce antique? Mais en tout cas, c'est ce que chantait Georges Brassens, c'est ce qu'il chante dans le cours de l'histoire. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais en tout bien tout honneur de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile, les soirs de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve, au ciel d'un autre lit, compter de nouvelles étoiles, compter de nouvelles étoiles. Pénélope, chantée par Georges Brassens dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Vallat avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann, le cours de l'histoire qui s'intéresse à l'amour dans l'Antiquité, Aphrodite, Eros et Apollon. Jean-Claude Bologne, comment les Grecs envisageaient-ils de manière divine l'amour? Il y a Eros, mais il n'y a pas qu'Eros, il y a Aphrodite. Le regard que l'on peut porter sur le divin reflète la pluralité des amours possibles sur Terre. Oui, il y a la déesse de l'amour, je dirais tout le Proche-Orient antique a adoré d'abord des déesses de l'amour féminines, que ce soit en Égypte, en Mésopotamie ou en Grèce, qui représentaient au départ la fécondité, le désir sexuel, et qui petit à petit est devenue déesse de la beauté. Et son fils Eros, un de ses fils Eros, puisqu'il est aussi Anteros, l'amour réciproque, un de ses fils Eros représente le désir de la beauté. Et donc il y a un petit glissement qui va d'Aphrodite, au départ déesse du désir, déesse de l'amour, vers Eros, qui devient le désir de la beauté, donc l'amour, qui se situe encore une fois autour du 5e siècle, dans le milieu antique, athénien, à un moment où la philosophie et la littérature commencent à analyser le sentiment amoureux. Mais au départ, Aphrodite est aussi une déesse guerrière. Elle prend les armes, elle prend part à la guerre de Troie, et Eros, il n'en est pratiquement pas question. Eros, lorsqu'on parle de Grèce antique, c'est une constellation de cultures différentes. Eros, c'est le dieu de la baie aussi, c'est par Hésiode, c'est par tous les poètes béotiens qu'il va entrer dans la mentalité grecque, dans la littérature. Et il n'y a rien à voir entre Eros tel qu'on le trouve dans les poésies, par exemple, d'Alcman, où il souffle comme une tempête dans les arbres. On le représente en tant qu'adolescent, et puis l'Eros, le putto, le petit angelot facétieux, aveugle, qui vient vous frapper, et l'Eros chez Socrate. Donc la mythologie de l'amour a énormément varié selon les siècles et les lieux. Alors, quel dieu a frappé Périclès et Aspasie? Ah. Ça, c'est art. Voilà, vous voyez, Jean-Claude Bologne, vous aussi, vous vous interrogez. Je vous propose d'écouter une lecture, un extrait de La vie de Périclès, écrit par Plutarque, une lecture par Tatiana Werner. Il paraît cependant que l'attachement de Périclès pour Aspasie fut une véritable passion. En effet, quoique sa femme, qui était sa parente, et qui avait épousé en première noce Hipponikos, dont elle avait eu le riche Callias, eût donné à Périclès deux fils, Xanthippe et Paralos, ils s'inspirèrent réciproquement un tel dégoût que, l'ayant marié à un autre de son consentement, il épousa Aspasie. Il l'aima si tendrement qu'il ne sortait et ne rentrait jamais chez lui sans l'embrasser. Aussi, dans les comédies de ce temps-là, est-elle appelée la nouvelle Omphale, Déjanire et Héra. Nous voici au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Périclès et Aspasie. Ce que nous venons d'entendre, c'est une narration plus tardive. C'est la vie de Périclès par Plutarque, une lecture par Tatiana Werner. Dites-nous, Jean-Claude Bologne, qu'est-ce que cette histoire scandale sur l'Agora, Périclès et Aspasie? Voilà, alors ça se passe vers dans les années 450 avant notre ère. Donc effectivement, Périclès divorce de sa femme, la donne à un autre mari, pour accueillir Aspasie sous son toit. Qui est cette Aspasie? D'abord, c'est Aspasie de Milet. Et encore une fois, c'est l'opposition entre la mentalité athénienne, la femme au foyer dans son gynécée, et la mentalité de l'Asie mineure, où la femme a un petit peu plus de liberté. Et on commence à reprocher à Aspasie non seulement de participer au banquet qu'organise Périclès, mais de les organiser, d'inviter de grands noms, Sophocle, Socrate, Phidias, et faisait partie des banquets organisés par Aspasie. Et pire que tout, ils venaient avec leur propre épouse, dit-on. Donc c'est la crainte de voir la mentalité orientale entrer dans la mentalité grecque et faire dégénérer les nobles athéniens. Il y a de ça. Alors, effectivement, quand Plutarque le raconte, 7 siècles plus tard, quelle horreur, Périclès embrasse sa femme en sortant de chez lui et l'embrasse en rentrant. Aujourd'hui, ça nous semble absolument aberrant. Mais il y a de ça. Il considère, il donne à Aspasie, non pas la femme d'une, le rôle d'une femme légitime, mais la femme, le rôle d'une courtisane. Et à cela s'ajoute le fait que, Aspasie étant étrangère, elle ne peut pas donner d'enfant légitime à Périclès, selon une loi d'ailleurs que Périclès a fait voter lui-même. On sait qu'il ne peut pas l'avoir pour femme légitime, elle ne peut pas lui donner d'héritier. Et d'ailleurs, c'est Xanthippe, le fils du premier mariage, qui se range parmi les adversaires de son père. Il y a une question d'héritage aussi là derrière. Et dans les textes antiques, elle apparaît de temps en temps comme une épouse relativement légitime, comme une concubine ou comme une courtisane. Les trois termes sont utilisés pour elle. Avec Aspasie, nous avons la pluralité de la figure féminine dans la Grèce antique. Véronique Dazen, en évoquant ce cas particulier, Périclès et Aspasie, cet amour absolu, mais cet amour impossible, ils ne peuvent pas se marier parce que l'un et l'autre viennent de cités qui interdisent le mariage. Nous avons toute une réflexion à porter sur la séduction. En l'occurrence ici, nous en parlons encore parce que nous sommes dans un cas particulier d'amour. Est-ce que la séduction est réciproque dans la Grèce antique ou est-ce plutôt cette séduction masculine qui domine? Alors, on n'a pas encore parlé ici de la séduction homo-érotique qui, bien sûr, est très importante. L'amour des jeunes garçons, tel qu'elle se décline dans différentes sources. Par exemple, Ganymède, qui est mise en scène, enlevée par Zeus, et l'enlèvement étant l'image même de l'attraction amoureuse, voire du viol, pour quand il s'agit des filles, mais peut-être aussi des garçons. Et donc on retombe dans ce discours métaphorique sur la relation amoureuse pour essayer d'accéder à la façon de le penser. Et donc dans cette relation, ce qui est frappant, c'est qu'on voit quand même généralement mise en scène cette image justement du rapte, de l'enlèvement, pour les jeunes filles en tout cas. C'est une image qui revient constamment. La fille à la veille de son mariage va être enlevée à sa famille. Et on revient à cette idée que le mariage réussi, le couple réussi, est celui qui va réussir à trouver une concorde, un apaisement, un équilibre, qui se construit. Et ça, c'est valable aussi à Rome. L'amour-passion fait peur, je pense. Qu'il fait peur parce qu'il peut engendrer toutes sortes de débordements, de transgressions qui inquiètent. L'amour-passion fait peur, et notamment dans le cadre du mariage. Vous évoquiez, Véronique Dazen, le fait que l'amour homo et érotique n'a pas encore été évoqué. Ben moi, je vous propose que nous écoutions le banquet, celui de Xénophon. Xénophon qui évoque Clinias, le cousin d'Alcibiade. Donc là, nous nous trouvons avec un monde autre, celui par lequel a souvent été résumé l'amour absolu dans la Grèce antique. Il va falloir nuancer cela. C'est un extrait de l'émission de la deuxième chaîne de la télévision française, Aujourd'hui Madame, en 1978. Je contemple Clinias avec plus de plaisir qu'aucun autre spectacle au monde. Je souffrirais volontiers d'être aveugle pour tout autre objet que Clinias. J'accuse la nuit et le sommeil parce qu'ils le dérobent à mes regards. Je rends grâce au soleil et au jour qui me permettent de le voir. Quoique j'aime les richesses, il me serait plus doux de donner tout mon bien à Clinias que d'en recevoir autant d'un autre. J'aimerais mieux être esclave que libre si Clinias était mon maître. Pour le servir, le travail me serait plus agréable que le repos. Je suivrais Clinias même à travers les flammes. Son image est si profondément gravée dans mon cœur que si j'étais peintre ou sculpteur, je pourrais, sans la voir sous les yeux, faire son portrait ou son buste parfaitement ressemblant. Un extrait du banquet de Xénophon, lu par Denis Manuel en 1978. Jean-Claude Bologne, l'amour homosexuel se conçoit-il de la même manière dans la Grèce antique que l'amour entre un homme et une femme? Nous sentons tout de suite que nous avons ici une société qui ne construit pas l'amour de la même manière que nous. Bien entendu que non. Nous sommes dans une société profondément misogyne. Je parle de l'Athènes du 5e siècle, où il n'est pas nécessaire d'avoir le consentement de la femme. Lorsqu'on parle de désir, en tout cas, le désir est une prérogative masculine. Il y a cette fameuse phrase d'Aristippe, qui était disciple de Socrate. Le poisson ne m'aime pas, et pourtant, moi, j'aime le poisson. On en est là. Il n'y a pas besoin du désir féminin. Pour la philia, c'est autre chose. La philia est un sentiment réciproque, mais on parle essentiellement d'éros. Et donc, il n'y a pas besoin de séduire la femme, il y a besoin éventuellement de séduire le père de la femme pour qu'il l'accorde en mariage, mais la femme, ce n'est pas nécessaire. En revanche, un jeune homme que l'on séduit est un jeune homme libre. À Rome, on tombera amoureux de jeunes esclaves et d'esclaves grecs, mais l'homosexualité dans la Grèce antique, c'est entre jeunes gens libres. Et le grec va découvrir, l'Athénien va découvrir l'art de la séduction par les relations homosexuelles. Et toute une série de petites ruses de séduction que l'on retrouvera par la suite adaptées à l'hétérosexualité sont nées dans ces banquets où il faut séduire des jeunes gens d'une même condition sociale, parfois même une condition sociale supérieure. Alcibiade est une des plus grandes familles d'Athènes. Et donc là, il y a un art de séduction qui naît avec l'homosexualité. Ceci dit, dans l'homosexualité, il ne faut pas essayer de juger l'homosexualité antique avec notre regard actuel. Il est tout à fait normal qu'un jeune homme soit éromène, c'est-à-dire passif, aimé, entre 12 et 16 ans, qu'il devienne éraste, c'est-à-dire actif, entre 16 et 25-30 ans, et puis qu'il se marie. Et si l'on ne respecte pas ce cadre chronologique, on est extrêmement méprisé. Celui qui, lorsque la barbe commence à lui pousser au menton, continue à avoir des rapports passifs, est extrêmement méprisé. Donc, les Romaines, c'est celui qui donne du plaisir, il est passif, mais il ne prend pas de plaisir. Dans les représentations pédérastiques que l'on trouve dans l'Antiquité, vous ne voyez jamais un nez romaine en érection. Ce serait terriblement maladroit et honteux de sa part d'avoir du plaisir dans le rapport sexuel. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes cadres qui fonctionnent dans l'Antiquité, dans la pédérastie grecque et l'homosexualité actuelle. Véronique Dazen, nous sentons qu'il y a énormément de conventions dans cette construction amoureuse dans l'Antiquité. Malgré tout, est-il possible de s'en échapper? Je pense notamment aux femmes. Mais depuis tout à l'heure que nous parlons de l'amour antique, nous sentons que la femme n'a pas le droit à la séduction. Mais si, elle a le droit. Et bien sûr qu'elle a le droit. Et je pense qu'on peut nuancer. Oui, c'est utile de séduire la femme. Parce que déjà, si on veut avoir de beaux enfants, et ça c'est les textes médicaux par exemple qui nous en parlent, il est important que la femme ait du plaisir. Si elle a du plaisir, on n'en a pas encore parlé, du plaisir féminin, les enfants seront beaux et en bonne santé, avec une instrumentalisation, bien sûr, du concept. C'est qu'une fille violée et qui aura un bel enfant, c'est qu'elle a été consentante et qu'elle a eu du plaisir. Donc, il y a aussi instrumentalisation de l'idée. Alors, dans les images, on voit ces filles agissantes. Et donc, de nouveau, le discours de l'iconographie nous aide à percevoir avec plus de nuances ces rapports entre féminin, masculin. On va les voir attirant les garçons, alors par toutes sortes de gestes codifiés, qui sont par exemple le geste du jeu de balle. On lance la balle comme on lance son cœur, et c'est les filles qui sont représentées toujours en train de le faire. Elles lancent la balle, donc le cœur, au garçon qu'elle aimerait épouser. Et c'est intéressant parce que ça nous montre que on veut les penser agissantes. L'image ne montre pas la réalité, mais montre la façon de le penser. On veut la penser agissante précisément parce que c'est important qu'elle soit volontaire et qu'elle accepte le destin qui lui est donné. Mais il n'empêche que ça va peut-être plus loin. C'est que réellement, on accède là à une façon de penser vraiment des filles comme étant celles qui décident aussi de leur destin, mais d'une façon discrète, comme elles l'ont toujours fait dans des sociétés où elles n'avaient pas de droits politiques, mais d'autres droits et d'autres façons d'agir. Et quand il est question de l'amour dans l'Antiquité, il est une figure qu'il faut évoquer. Ce serait une fraude professionnelle de ne pas parler dans le cours de l'histoire de Sappho. Je vous propose une lecture, Un amour passionné par Sylvia Monfort. C'était une diffusion de la radio-télévision française en 1958. Celui-là me paraît être l'égal des dieux. L'homme qui, assis en face de toi, de tout près écoute ta voix si douce. Et ce rire enchanteur qui, je le jure, a fait fondre mon cœur dans ma poitrine. Car dès que je t'aperçois un instant, il ne m'est plus possible d'articuler une parole. Mais ma langue se brise. Et sous ma peau, soudain, se glisse un feu subtil. Mes yeux sont sans regard, mes oreilles bourdonnent. La sueur ruisselle de mon corps. Un frisson me saisit toute. Je deviens plus verte que l'herbe. Et peu s'en faut, je me sens mourir. Sylvia Monfort qui lisait un extrait de Sappho. Dites-nous, Jean-Claude Bologne, tout le schéma que nous avons de l'amour aujourd'hui utilise du vocabulaire qui nous vient de l'Antiquité grecque. Nous parlons d'amour platonique, nous parlons d'amour saphique. Et pourtant, nous sentons bien, évidemment, la société n'est pas la même. Le sentiment amoureux ne peut pas être comparé. Et pourtant, tout est encore présent aujourd'hui. Oui, l'Antiquité grecque a mis en place une série de concepts qui ont eu un impact extraordinaire sur toute l'histoire du sentiment amoureux jusqu'à aujourd'hui. Le plus important est sans doute cette distinction qui était opérée surtout par Socrate, par le banquet de Platon, mais qui était déjà chez Euripide et qui vient de la pensée des sophistes, qu'il y a deux amours. Alors, c'est devenu le vrai amour, le faux amour, l'amour pur, l'amour impur, tout ce que vous voulez, mais qu'il y ait deux formes différentes d'amour qui ont été multipliées jusqu'à 5, 6, 7 nuances, conceptions différentes de l'amour, une qui s'adresse au corps et l'autre qui s'adresse à l'âme, c'est une distinction qui a vraiment obéré la pensée occidentale jusqu'au romantisme et parfois même au-delà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce concept de manière, de folie amoureuse chez Socrate, chez Platon, qui va se retrouver dans les fureurs héroïques au XVIe siècle, et Giordano Bruno, qui va faire de l'amour cette passion incontrôlable, mais qui est, dans la manière socratique, une passion d'origine divine. On est possédé par l'amour, comme la pitié de Delphes est possédée par Apollon. Et tous ces concepts vont avoir, parce qu'ils sont extraordinairement nuancés, vont avoir une influence sur toute la pensée occidentale. Alors, à un moment donné, il faudra aussi qu'on parle de la façon dont le christianisme a récupéré ces concepts. Parce que la différence entre l'amour de charité et l'amour de concupiscence chez saint Augustin, ça vient en partie de cette opposition chez Socrate. Donc il y a vraiment une série de concepts qui vont être repris partout. Mais vous parliez de Sappho tout à l'heure. Il n'est plus possible, après Sappho, de parler de l'amour de la même manière. Elle est relativement ancienne, ce 7e siècle avant notre ère. Et à l'époque, on parle d'amour soit comme un crayon avec des mignardises, soit de façon extrêmement crue. Et cette sensualité que Sappho fois introduite dans la poésie est devenue incontournable par la suite. Donc effectivement, certaines femmes ont eu une influence sur la façon dont on concevait l'amour et dont on en parlait. Et Jean-Claude Bologne, de toute façon, nous n'en aurions jamais fini de parler d'amour. En tout cas, merci vivement à vous de nous avoir présenté cet amour dans la Grèce antique. Merci aussi à vous, Véronique Dazen. L'amour, l'amour, l'amour, toujours, nous continuons toute la semaine à explorer ce sentiment et nous allons donc retrouver des échos antiques sans cesse. Mais pour le moment, nous retrouvons Anaïs Quien pour le Journal de l'Histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le Journal de l'Histoire, la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs qui a été lue dans les classes à la rentrée des classes, justement le 2 novembre dernier en hommage à Samuel Paty, était-elle bien choisie? C'est la question que vous vous êtes posée. Le recours aux grands textes du passé peut parfois aider à vivre le présent, encore faut-il qu'il ne le complique pas sans objet. À la fin des vacances scolaires de la Toussaint, le contexte était tendu. Les enseignants et les élèves avaient été éprouvés par l'assassinat 2 semaines plus tôt de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. L'événement, sa violence, ses images avaient sidéré, mais il fallait dire, et vite, pour affirmer la force de l'école républicaine face à une attaque sans précédent. Dans les colonnes du journal du dimanche, le ministre de l'Éducation nationale précise que la journée du 2 novembre se décomposera en 3 temps. Une première phase permettra aux enseignants de se préparer au discours à tenir aux enfants sur l'assassinat de Samuel Paty, ce qui devrait décaler l'horaire de rentrée en classe. Dans un deuxième temps, un moment sera dédié avec les élèves à la réaffirmation des principes de l'école et de la République. Enfin, une troisième étape réunira dans les cours des établissements, élèves, professeurs et partenaires de l'école, pour une minute de silence et la lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès. Avec inquiétude, les enseignants et les enseignantes, quand ils l'ont accepté, se sont préparés à s'emparer de la solution fournie par le ministère de l'Éducation nationale, une minute de silence collective suivie de la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, publiée dans la Dépêche de Toulouse le 15 janvier 1888. Cette lettre avait déjà été lue le 21 octobre lors de l'hommage national rendu à la Sorbonne à Samuel Paty, une lecture qui avait contribué à la portée d'une cérémonie poignante dont les images constituent sans doute une archive pour demain. La lecture de cette lettre de Jaurès dans ce contexte, en présence de sa famille, de ses collègues, de représentants officiels de l'État, en présence du corps de Samuel Paty lui-même, faisait sens. On honorait la mémoire de l'enseignant et de son engagement professionnel indiscuté. Les mots de Jaurès s'y prêtaient parfaitement. Alors, et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants la lumière et l'émotion de son esprit. Ah, vous serez plus que payé de votre peine, car vous sentirez la vie de l'intelligence s'éveiller autour de vous. Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Troublé par le contexte d'alerte sécuritaire, de débrayage nombreux d'enseignants contre le manque de concertation sur le discours prodigué en cette rentrée blessée, mais aussi par les actions lycéennes de protestation contre les insuffisances du protocole sanitaire, la lettre et la minute de silence ont été adoptées de manière très inégale sur le territoire. Mais ce texte, lu en classe, un texte qui s'adresse donc aux enseignants, que pouvait-il dire aux élèves ? C'est le sujet de l'article d'Emmanuel Jousse, publié par la revue en ligne Entretemps. L'historien et enseignant du secondaire s'y interroge sur la pertinence du choix de répéter cette lecture devant un public bien différent, des élèves, auxquels il ne s'adressait pas, et surtout un texte qui ne dit pas exactement ce qu'on voulait lui faire dire. Si Jaurès a défendu avec force la laïcité, le principe placé au cœur de la réponse de l'institution scolaire face à l'irruption de la violence terroriste en 2020, il n'en est pas question dans cette lettre de 1888. C'est un texte qui pose frontalement la question du rôle de l'enseignant dans l'institution scolaire et dans la société, et de ses moyens d'action. S'ils travaillent ensemble, le métier d'enseignant et d'élève n'est pas le même. Merci beaucoup Anaïs Kien. Le journal de l'histoire est sur l'application Radio France et sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Valentine Lovrins, Marion Dupont, Anne Toscan-Vudès, Odile Jouessel. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster pour la balade aux diffusions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, notre site Le cours de l'histoire sur franceculture.fr, où vous pouvez retrouver tous les liens utiles, les extraits sonores que nous avons diffusés et puis la présentation de l'ensemble de l'émission. Vous pouvez également commenter ces émissions sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire, où vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, ça fait plaisir. Demain, nous poursuivons notre exploration de l'histoire du sentiment amoureux, troubadour et trouvère, les chants de l'amour courtois.